Tu as tous les vents, entends. Le petit chat perdu rencontre le chien. J'ai un peu faim. Va voir la fermière, répond le chien. Dis-lui. Elle te donnera un os. Ce n'est pas un os que je veux, c'est du lait. Qu'as-tu, petit chat ? Demande le coq. J'ai faim. Va trouver la fermière et dis-lui. Cocorico ! Elle te donnera du grain. Je n'en veux pas, je veux du lait. J'ai faim, maintenant j'ai très faim. Va voir la fermière, dit le lapin. Fronce un peu le nez et remue les oreilles. Elle te donnera du trèfle. Je ne veux pas de trèfle, je veux du lait. Qu'as-tu, petit chat ? Demande le canard. J'ai faim, tellement faim. Va voir la fermière, dis-lui. Elle te donnera de la pâtée. Je ne veux pas de pâté, je veux du lait. J'ai faim, j'ai vraiment trop faim. Va voir la fermière, répond la chèvre, et dis-lui. Mais elle te donnera de l'herbe. Ce n'est pas de l'herbe que je veux, c'est du lait. Je veux du lait. Du lait. L'âne arrive. Tu as vraiment trop faim, petit chat ? Va voir la fermière. Dis-lui. Elle te donnera de l'avoine. Je ne mangerai pas d'avoine. Je veux du lait. Tu as si faim que ça ? Lui demande le gros chat. Allons voir la fermière. Tu lui diras. Elle te donnera du lait. Oh oui, miaou, du lait. Dit le chaton d'une toute petite voix. Et la fermière lui donne du lait. Le petit chat est content. Pour dire merci, il ronronne. Poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, poupon, po